immonde fiente. Moi j'aime bien Blanche-Neige, mais pas les sept nains. Du haut de tes 90 cm. De gras, de laideur et de puanteur. On ne veut plus de toi sur TF1. J'aime bien Blanche-Neige, mais pas les sept nains. On ne veut plus de toi sur TF1.